ce que disait Madame Ventini, quand elle proposait des semaines avec des cours aménagés, un des problèmes récurrents qu'on a, c'est qu'en fait, ces cours modifiés sont annoncés et les élèves fuient en masse. En fait, les élèves fuient en masse. Une des premières questions, nous, quand on médiatise des réunions, qui nous revient, c'est est-ce que les cours sont banalisés? Est-ce que ça veut dire que je pourrais rester chez moi? Malheureusement, c'est la réalité. Et je pense que le fait d'annoncer à l'avance qu'il va y avoir des réunions fait non seulement fuir les élèves, mais peut-être que ce serait mieux en fait qu'il y ait une réunion dans la semaine avec tous les professeurs et que sur le reste de la semaine, les cours, les professeurs le fassent directement dans la salle. De telle façon à ce qu'il n'y ait pas une annonce de la banalisation de la journée et qu'il y en a qui en profitent pour rester chez eux. S'ils ne se sentent pas concernés, c'est autre chose, mais quand on les pousse, c'est autre chose. Il y a aussi une chose qui est beaucoup remontée, qui fait aussi fuir les élèves, c'est la politisation. Moi, il y a beaucoup d'élèves qui m'ont dit qu'ils sont venus à une AG et qu'ils ne voulaient plus revenir parce que, je cite, c'est une réunion de gauchos et moi, je ne suis pas là pour faire de la politique. C'est leur avis, non, je cite, c'est leur avis, sauf que maintenant, peut-être qu'il faudra trouver un moyen pour sensibiliser les gens sans tomber dans la politisation de la réunion. Excusez, s'il vous plaît. Peut-être du coup passer par plus de pédagogie. Je essaie de leur expliquer que ça concerne les élèves, ça les concerne peut-être à différents niveaux qui ne se situent pas encore. Je voulais aussi revenir sur le rôle des syndicats, que j'arrive pas forcément peut-être à tort à saisir. On a été beaucoup mobilisés vendredi à la manifestation. On nous a placés en tête de cortège, ce qui normalement indique qu'on est censé être la tête de la mobilisation de ce jour. Franchement, c'était épars. Plusieurs fois, on était obligé de faire des pauses de 5 minutes pour resserrer le rang, parce qu'en fait, on était 100, 150 à tout casser devant, et le gros de la troupe était derrière avec les camions de syndicat. Si c'est pour nous mettre devant, pour faire belle figure, regardez, on accueille les étudiants, mais que derrière, il n'y a pas de prêt. Les syndicats ne portent pas vraiment la parole étudiante. Est-ce que ça vaut le coup que nous, on leur apporte au sport, c'est qu'on ne fasse pas à côté de ça des mouvements totalement dissociés des syndicats sur le lieu de l'université et qu'on revendique clairement la parole étudiante et qu'on ne soit pas simplement une force de frappe des syndicats quand ils ont besoin de nous. Je me demandais aussi la question d'autres actions possibles, autres que la manifestation, puisque ça fait maintenant 56-58 semaines qu'il y a des manifestations à travers toute la France. D'abord sur les retraites et sur divers sujets, et que manifestement, à part perdre des mains et des yeux, il n'y a pas vraiment d'avancée. Aussi le problème, c'est le manque de couverture. Que ce soit. Ouais, là je suis sur la fin. Le manque de couverture, je sais pas pour vous, mais moi avant d'arriver à l'AG, j'avais même pas ne serait-ce qu'entendu parler de la réforme de l'enseignement supérieur. Avant que les professeurs en parlent, j'en ai jamais entendu parler, et outre qu'en AG, j'en ai jamais entendu parler. Que ce soit journaliste. Je parle de journaux télé, mais que ce soit aussi sur Internet, que ce soit papier. Il n'y a absolument aucune couverture de cette réforme, et encore beaucoup moins de médiatisation des actions qui sont menées. À part un petit journal local qui avait fait un petit papier pour dire qu'il y avait des étudiants qui participaient. Que ce soit France 3 Normandie ou quoi que ce soit, il n'y a aucune médiatisation. Et enfin, je vais revenir une dernière fois pour terminer, 10 secondes. Sur le rôle de la police, effectivement, il y a une semaine de ça, il y a un représentant syndical d'un syndicat de police, dont j'ai oublié le nom, qui était sur un plateau télé et qui expliquait qu'en fait, le rôle de la police aujourd'hui, c'est de faire tenir le gouvernement. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas signé ça, c'est vrai, ils sont là pour protéger les citoyens, et sauf que ce gouvernement ne tient que avec la force de la police et par la violence, et peut-être que je ne suis pas en train de faire un appel à la violence, mais peut-être qu'à un moment, la passivité, quand la seule chose qui s'oppose à nous, c'est la révolte armée,